La visualisation créative. La visualisation créative est une technique puissante utilisée dans divers domaines tels que le développement personnel, la guérison, la réussite professionnelle et la réalisation des objectifs. Elle consiste à créer des images mentales vivantes et détaillées pour manifester des désirs, aspirations ou transformations. Dans ce chapitre, nous explorerons les bases de la visualisation créative, ses principes et son potentiel de transformation. 1. Qu'est-ce que la visualisation créative? La visualisation créative est le processus de création d'images mentales vivantes et réalistes qui représentent ce que nous voulons manifester dans notre vie. C'est une pratique basée sur le pouvoir de l'imagination, où nous utilisons notre esprit pour créer un avenir désiré ou pour améliorer notre bien-être actuel. Cette technique repose sur la conviction que nos pensées et nos émotions ont une influence sur notre réalité. 2. Les principes fondamentaux de la visualisation créative. La visualisation créative repose sur certains principes fondamentaux. Clarté. Une image mentale claire et précise est essentielle pour que la visualisation soit efficace. Émotion. La visualisation doit être accompagnée d'émotions positives et d'une conviction profonde dans sa réalisation. Répétition. La pratique régulière de la visualisation renforce l'effet souhaité. Visualisation multisensorielle. Impliquer tous les sens dans la visualisation renforce son impact. 3. Les bienfaits de la visualisation créative. Renforcement de la confiance en soi. La visualisation créative permet de renforcer la confiance en soi en se voyant atteindre des objectifs et en surmontant les défis avec succès. Ainsi, en répétant mentalement ces scénarios positifs, nous renforçons notre estime de soi et notre conviction en nos capacités. Réduction du stress et de l'anxiété. La visualisation créative peut être utilisée comme une technique de relaxation pour réduire le stress et l'anxiété. C'est en imaginant des environnements paisibles ou des situations agréables que nous pouvons calmer notre esprit et relâcher les tensions. Amélioration de la performance. Les athlètes, les artistes et les professionnels utilisent souvent la visualisation créative pour améliorer leur performance. C'est en se visualisant en train de réussir leurs objectifs qu'ils renforcent leurs compétences et leur concentration. Guérison et bien-être. La visualisation créative peut également être utilisée dans le processus de guérison. De par ce fait, en imaginant la santé, la vitalité et la guérison, nous pouvons influencer positivement notre corps et notre esprit. 4. Techniques de visualisation créative. Méditation guidée. Les méditations guidées utilisent des instructions verbales pour nous guider dans des visualisations spécifiques. Celles-ci peuvent être trouvées sous forme d'enregistrement audio ou être guidées par un praticien. Visualisation écrite. La visualisation créative peut être pratiquée sous forme écrite. L'écriture de nos visualisations détaillées dans un journal renforce notre engagement envers nos objectifs et nous permet de les revisiter régulièrement. Visualisation active. La visualisation active implique d'engager tous les sens dans l'image mentale, en créant une expérience multisensorielle plus puissante. 5. Intégrer la visualisation créative dans la vie quotidienne. Pratique régulière. La clé de l'efficacité de la visualisation créative réside dans la pratique régulière. Ainsi, en consacrant du temps chaque jour à cette technique, nous renforçons notre pouvoir de manifestation. Gratitude et positivité. La gratitude et la pensée positive renforcent la puissance de la visualisation créative en élevant notre énergie et en ouvrant notre esprit à des possibilités infinies. Patience et confiance. La visualisation créative demande de la patience et de la confiance envers le processus. Bien que les résultats peuvent ne pas être immédiats, la persévérance conduit souvent à des transformations très positives. 6. Dépasser les obstacles. Surmonter les doutes. Les doutes et les pensées négatives peuvent entraver l'efficacité de la visualisation créative. C'est pourquoi apprendre à les reconnaître et à les remplacer par des pensées positives est essentiel. Gardez l'open mind. Garder un esprit ouvert et flexible nous permet d'accepter des résultats différents de ce que nous avions imaginé et de saisir de nouvelles opportunités. 7. Mise en garde des limites. Respecter la réalité. La visualisation créative ne doit pas être utilisée pour échapper à la réalité, mais plutôt pour se donner les moyens de la transformer positivement. Préserver l'équilibre. Il est essentiel de maintenir un équilibre entre la visualisation créative et l'action concrète. C'est pourquoi cette méthode doit être accompagnée d'efforts pratiques pour atteindre nos objectifs. 8. Exemple de visualisation créative. Visualisation pour la réalisation des objectifs. La guérison et le bien-être. La réduction du stress. La créativité et l'inspiration. En conclusion, la visualisation créative est une pratique puissante pour manifester nos désirs, renforcer notre confiance et améliorer notre bien-être. C'est en utilisant les techniques et les principes de la visualisation que nous pouvons réaliser notre potentiel créatif et transformer notre réalité de manière positive et épanouissante. Cela en fait un outil précieux dans notre cheminement vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Voici les étapes à suivre pour pratiquer la visualisation créative. Choisissez votre objectif. Il est important de savoir ce que vous voulez accomplir avant de commencer la visualisation. Vous pouvez choisir n'importe quel objectif, qu'il s'agisse d'améliorer votre santé, de réaliser un rêve, d'atteindre un objectif professionnel ou personnel, etc. Asseyez-vous confortablement. Asseyez-vous dans un endroit calme et confortable. Fermez les yeux et respirez profondément pour vous détendre. Imaginez votre objectif. Visualisez votre objectif de manière détaillée et vivante. Essayez de faire appel à tous vos sens. Ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez et touchez. Imaginez tous les détails de l'objectif atteint, comment cela vous fait sentir, les personnes qui pourraient être présentes, etc. Restez concentré. Si votre esprit commence à vagabonder, ramenez-le doucement à votre visualisation. Concentrez-vous sur tous les détails et laissez votre esprit croire que l'objectif est déjà atteint. Répétez. Répétez cette visualisation créative régulièrement, de préférence tous les jours. Plus vous le faites, plus la visualisation devient naturelle et plus vous vous rapprochez de votre objectif. Cette technique est efficace pour atteindre des objectifs personnels, professionnels ou de santé. En combinant celle-ci avec d'autres pratiques telles que la méditation et l'affirmation positive, vous pouvez atteindre des résultats incroyables. Page 6, nous allons parler de la montée en vibration. Page 6.